Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du, fa aujourd'hui le 25 du mois de El-Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le deuxième cours de cette série de cours concernant le commentaire du livre Salasat al-Usul de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Rapidement les frères, barakallahu fikoum, on avait dit que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab était né en quelle année? Kalim. 1115, ahsant. Et il était mort en quelle année? Mourola. 1206, ahsant. Jazakallah khair. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi. Al-Tamimi, c'est une nisba à Bani Tamim, une kabila, une tribu qui s'appelle, une tribu, des tribus connues parmi les tribus arabes, qui s'appelle Banu Tamim. On avait rappelé un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam les concernant. Est-ce que vous vous rappelez, hafidhakumullah? Les descendants des Banu Tamim, ils seraient très durs contre Ad-Dajjal. C'est pas ça la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant, mais tfaddal. Une tribu qui était aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas ça non plus. Yahmadou. Ahsant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc que Banu Tamim achaddun nasi ala Ad-Dajjal, c'est-à-dire qu'ils étaient les plus durs contre Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, donc le grand imposteur, le faux messie. Et on avait dit, comme le frère a dit, donc l'explication, que comme cela l'ulama, ils disent que les descendants de Bani Tamim, aussi comme ils étaient, comme cette tribu et leurs descendants bien sûr, étaient les plus durs contre Ad-Dajjal, le faux messie, comme cela ils étaient aussi les plus durs contre eux, les petits imposteurs, les petits Dajjalin, Dajjaloun al-Sirar, qui viennent avant le faux messie Ad-Dajjal al-Akbar. Et on avait dit, on avait cité que parmi eux, parmi nos savants contemporains, il y avait Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et comme cela, tous les savants de la famille de Al-Shir, puisque Al-Shir, c'était donc la famille de Shir. Et qui est Shir? Qui est voulu par Shir ici? Ahsantum, barakallahu fikum. Cheikh al-Islam a rappelé quatre points qu'on a détaillés dans le cours précédent. Quels sont ces quatre points qu'il est impératif, qu'il est obligatoire pour chaque musulman de connaître? Omar. La science. Mais dis les trois autres, s'il te plaît. Il y a la science, il y a la mise en pratique, il y a l'appel à cela, la loi. Face aux nuisances. Ahsant, barakallahu fik. Et Cheikh al-Islam lui-même a expliqué quelle est cette science qui est voulue ici par ces points qui sont obligatoires. Lorsqu'il dit la science, et il a expliqué quelle est cette science. Connaître Allah, sa religion, son prophète. Ahsant, barakallahu fik. Avec les preuves. Ici, c'est trois choses qu'il a rappelées, Cheikh al-Islam, qui doivent être impérativement connues, qui sont la science qui est évoquée ici. Connaître Allah, ou connaître son Seigneur, connaître sa religion et connaître son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À quoi cela correspond? Et ceci est, comme on l'a évoqué, la base de ce livre. Akhit Fadl. Ahsant, les trois questions qui nous seront posées dans la tombe, par ces deux anges qui sont appelés, comme dans plusieurs ahadiths, Munkar wa Nakir. On avait rappelé, on va terminer sur cela pour ne pas prendre trop de temps sur les cours d'aujourd'hui, on avait rappelé des degrés dans Ad-Da'wa, dans l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala. On avait rappelé 3 ou 4 degrés qui ont été évoqués par Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Est-ce que vous vous en rappelez? Hakim. Ce n'est pas ça. Omar. أحسنت يا أحمد ودي أحسنت بالتي يا أحسن أحسنت ces trois points qui sont évoqués dans ce verset ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة la sagesse appel au sentier de ton Seigneur par la sagesse والموعظة الحسنة la bonne exhortation وجادلهم بالتي يا أحسن et discute avec eux de la meilleure manière. Puis dans l'autre verset Cheikh Ibn Uthaymeen a compris de ce verset un quatrième degré dans la da'wa. Quel est ce quatrième degré, Kenzi? Non, c'était pas ça qu'on avait. Ça vient juste après. Garde-le au chaud pour juste après. Inch'Allah. Dites-toi de l'akhi. Voilà, ahsant. Comme dans le verset illa alladhina zalamu minhum. Donc tu discutes avec les gens du livre ou avec ceux à qui tu fais da'wa, qui tu appelles de la meilleure des manières. Sauf à ceux qui ont été injustes. Ceci est le quatrième degré, pardon, dans l'appel à Allah Azza wa Jal. On avait rappelé, on va terminer sur cela, certaines qualités de celui qui appelle à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Da'i. Al-Da'i il Allah Azza wa Jal. On avait rappelé certaines qualités qu'il devait avoir. Quelles sont ces qualités? Citez-en quelques-unes, chacun. Yahmed ou Tfaddal. Al-Hikma, Ahsant. Hein? Être avide de la guider des gens. Vouloir avec assistance la guider des gens que tu appelles. Salim. Al-Basira, la clairvoyance. La clairvoyance qui est voulue ici, c'est donc la science. La science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yahya. Al-Lutf, Ahsant. Ahsant, on avait rappelé le fait d'être. On avait dit Al-Rifq. Mais l'autre, ça rentre dans cela, le fait d'être doux, la douceur dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlas, ahsant, la sincérité. La force pour corriger lorsque... Ahsant, très important. Que le da'i l'Allah azza wa jalla, il ait une certaine force lorsqu'il doit corriger les erreurs des gens. Et lorsqu'il doit se confronter aux ambiguïtés des autres. Il doit avoir une certaine force, car quelqu'un peut avoir de la science, de la sagesse, de la sincérité, etc. Mais il a une certaine faiblesse au moment de se confronter aux gens et à leurs ambiguïtés. Il faut qu'il y ait une certaine force dans cela. Ceci est une qualité du da'i l'Allah azawajal qui est très importante. Et on avait dit une dernière qui va nous profiter pour rebondir pour le début du cours d'aujourd'hui. Une dernière qualité qu'on avait citée. Yahmadou Tfaddal. Al-Sabr, la patience. Barakallahu fikoum.